Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Protéger le désert de la Hamada du drap et permettre sa découverte dans le respect et le partage. C'est la mission que s'est donnée l'équipe de Zaïla. Zaïla, une association qui regroupe des nomades de la région de Hamid dans le sud du Maroc. Zaïla offre l'unique alternative aux amoureux de la nature à découvrir le désert sans trop l'abîmer. La recette est aussi simple qu'ancestrale, accompagner le pas harmonieux du chameau avec les gens du désert. Mais Zaïla, c'est aussi un groupe de musique qui accompagne la caravane. Allez, Regarde ailleurs vous emmène avec nous, venez passer 30 minutes dans le Sahara avec Zaïla et son équipe. En gros, à 9 mois, il est à peu près, il est presque autonome. Hein. Il nécessite encore un peu d'entretien. Où l'homme n'a aucun rôle, ils ont poussé grâce aux animaux qui ont justement brouté, qui ont laissé le... Par exemple, le chameau, c'est le meilleur semeur dans le désert. Oui, et de plantes. Donc, tu vois des plantes, il sème des plantes à travers le désert. Comme il va partout, il y a des plantes qu'on trouve un peu partout. On ne sait pas comment ils ont atterri, mais au fond, le chameau, grâce à ses excréments, il a laissé des graines qui sont là et qui ont repoussé grâce au hasard d'une petite pluie dans le désert. Michel, raconte-nous la rencontre avec Zaïla. Zaïla, on les a rencontrés lors du salon du tourisme à Colmar en 2010, hein, où on s'est arrêté avec une amie pour regarder les magnifiques photos. Et on a eu l'occasion de rencontrer Ali et de discuter avec lui du Maroc. Hein. Donc, une passion qu'on partage avec des amis et mon mari. Et des caravanes du désert. Un endroit qu'on ne connaît pas du tout au Maroc et qu'on a eu envie de découvrir. Et maintenant, on concrétise notre projet de monter cette caravane dans le désert pour pouvoir la proposer à nos voyageurs, puisque nous avons monté une association il y a 3 ans où on propose des séjours solidaires au Maroc. Votre association et Zaïla vont aider ce projet en commun, la Palmeraie. Il y a quelque chose qui va se faire ensemble? Ben forcément, puisqu'on va envoyer du monde partir en caravane avec Zaïla, donc ça va ramener de l'argent pour l'association Zaïla et ils vont pouvoir développer leur projet ici ou ailleurs. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il y a des palmiers centenaires à Mhamid, donc on voit avec, là on a cette catégorie-là qu'on a ici, les plus vieux, elles peuvent faire une quarantaine d'années là, mais elles peuvent être centenaires, si on traverse la palmeraie, on voit des palmiers centenaires, qui d'ailleurs sont des fois courbés aussi. Donc un palmier dans une palmeraie comme Mhamid vit entre 50, il peut vivre entre 50 et rarement jusqu'à 100, mais autour de 50 ans. Même si biologiquement il peut rester longtemps, mais mécaniquement, si j'ose dire, il a la durée de vie d'un humain. Le vent va le pousser. Il a la durée de vie dans l'âge de 50 ans. Il peut encore donner des fruits ou non? Oui, oui, il donne des fruits. Mais moi, c'est comme tout être, comme toute espèce, elle donne le meilleur d'elle-même, tu vois, dans son la jeunesse ou disons l'âge où elle est. Elle est fertile. Et on ne peut pas le tailler. ce qui est en train de se passer, ou la prise de conscience qu'il peut y avoir autour de projets comme celui-là, qui sont quand même des projets ambitieux, hein, dans lesquels on retrouve effectivement la nature remise au centre, l'homme aussi, mais avec l'utilité, le besoin de chacun dans son intervention, l'homme qui va aider la nature à faire son œuvre, la nature qui va permettre à l'homme de vivre dans un milieu quand même qui est hostile, hein, qui est difficile, quoi. Hein, je trouve ça assez... C'est un peu une prise de conscience universelle, mondiale, j'ai envie de dire. On se rend compte aujourd'hui qu'on allait trop loin et qu'on va se retrouver face à un mur si on ne fait pas marche arrière et qu'on ne prend pas soin de ce qui nous nourrit, de cette nature qui nous nourrit finalement. C'est grâce à elle qu'on a pu se développer. Et si on veut continuer, il faut prendre soin d'elle. Oui, tout à fait. Oui, non, mais où l'homme va être effectivement en contribution et non pas en destruction de son environnement. Et je crois que là, il y a effectivement un merveilleux projet là, qui est en train de se construire ici. Assez génial et assez émouvant. Il y a une vingtaine de sortes de palmiers. Et comment tu l'as choisi? Pourquoi cette sorte et pas une autre? Comment, c'est en fonction du... Alors là, c'est les spécialistes. Par exemple, lui, il m'a expliqué. Ici, il a choisi certaines sortes par rapport au terrain, par rapport à la qualité des dattes, par rapport aussi à la résistance à la sécheresse. C'est-à-dire, il y a certaines sortes qui résistent mieux. Il y a d'autres, ça ne va pas, elles ne résistent pas. Donc, c'est au fond des gènes liés à ces sortes qui permettent la résistance et la qualité des dattes. Il y a même de certaines sortes, les dattes sont pas très bonnes, on les donne aussi pour les animaux. Donc c'est très utile toujours. Et les dattes qui vont être produites ici sur le projet des 1000 palmiers, à qui elles vont servir? Est-ce qu'elles vont générer une petite économie pour pouvoir avoir des projets? Alors, il faut dire que le palmier, le fruit, c'est pas le premier, je dirais, le premier but. Le palmier, c'est un vecteur de microclimat. Par exemple, dans ici la biosphère ici de la palmeraie, le palmier permet à toutes les autres espèces de vivre. Il donne bien sûr les fruits à l'homme, mais il permet à tous les animaux, les petits comme les grands, de vivre aussi. Donc il alimente tout le monde. En plus, il crée un microclimat, ça veut dire qu'il va créer aussi une humidité utile au milieu. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de fraîcheur, plus d'humidité et plus d'abri pour beaucoup d'animaux. Donc est-ce que Ali, un jour, tu vas mettre des palmiers partout dans tout le Sahara? Non. On ne peut pas, et d'ailleurs, comme j'ai dit, le Sahara, c'est le seul milieu où l'homme ne peut pas entretenir. Il peut planter un arbre, mais il ne peut pas l'entretenir. Et donc, c'est aléatoire de dire... il y a les oasis, mais les oasis, c'est des quelques points dans l'immensité. Les oasis, c'est autour d'un point d'eau, quelques palmiers et un puits en général. Mais on ne peut pas, c'est ridicule d'ailleurs, le désert il a aussi sa propre, son propre biotope, d'autres plantes, d'autres animaux qui n'ont besoin d'aucun entretien de l'homme. Et puis ils arrivent aussi à s'épanouir dans le désert sans, même avec l'absence d'eau et de... une sécheresse pratiquement totale, ils arrivent. Elles sont adaptées, tout simplement. Elles sont adaptées. Ouais. Donc c'est un milieu à part, le désert. Là, on est dans la palmeraie, c'est à la lisière du désert. Et la palmeraie, il y a une utilité pour l'homme. Les fruits, enfin les dattes, qui sont un apport très important au niveau nourriture, mais au niveau aussi économique. Les paysans vendent leurs dattes. Et puis, ils entretiennent leur palmeraie pour d'autres espèces. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture à trois étages. C'est-à-dire quand il y a une palmeraie, tu peux aussi cultiver beaucoup d'agrumes dans le premier étage, donc par terre. Mais on le voit très bien, parce que là on est où, à Hamid, le long de la vallée du Dra, et tout le long de la vallée, tu as partout l'homme qui s'est installé. Oui. Alors que si tu t'éloignes de cette vallée, de la palmeraie, il n'y a plus personne. Oui, oui. C'est très dur de mener ou d'organiser une vie, disons, en tout cas avec tous les éléments. Là, la palmeraie, elle offre ça à l'homme. Elle offre, comme j'ai dit, la nourriture. Elle offre l'abri. Elle offre aussi la beauté, ce qui n'est pas négligeable. Hein, la beauté. Et puis, pour nous, ce projet, il est très, très important parce qu'on a parlé avec ces paysans. on leur a dit pourquoi la palmeraie de Mohammed, comme la palmeraie de la vallée d'Hydra, se dégrade par deux éléments qui se conjuguent, c'est-à-dire la sécheresse, mais aussi l'homme. On a arraché beaucoup de palmiers. On s'est dit, il faut inverser les choses en plantant des palmiers, mais vraiment le maximum. Et puis surtout en préservant des terrains à la construction, c'est-à-dire qu'en interdisant la construction et en plantant des arbres, des palmiers. Alors le 1000 palmiers, c'est rien aussi dans la palmeraie de Mohammed. Vous voyez, ici on a déjà 200, à peu près 200, c'est rien, on ne les voit presque pas. Mais dans 2 ans, 3 ans, il y aura ici 200 ou plus de 200 palmiers, comme ce qu'on voit là. Donc toi, tu rachètes des terrains qui sont désertifiés et puis on replante des arbres. Oui, pour empêcher la construction. Donc ouais. Moi, je suis contre les constructions dans les palmeraies, contre les projets touristiques, sophistiqués dans les palmeraies, pour vraiment remettre le paysan de la palmeraie, du drap, au centre de tout. Et remettre la nature aussi au centre. Ouais, mais parce que si on le remet lui, il connaît la nature. Ouais. C'est aussi, donc ça, c'est le but. Okay. Et ce projet aussi, on va encore l'étendre. Parce que si ça marche maintenant, les 1000 ou les deux premiers, disons 250, on va l'étendre à la palmeraie de Mohammed. Quelque part dans le Sahara, entre des dunes. Sous les étoiles. Ici, on dit, c'est l'hôtel des 1000 étoiles. Et c'est vrai. Guidé par le son, guidé par la musique de Zaïla, ce groupe des jeunes musiciens du sud Maroc, Mohammed nous accompagne dans la caravane Zaïla. Zaïla, c'est 5 jours. 5 jours dans le désert. 5 jours à traverser les dunes. À marcher. À marcher. À observer. À écouter. À ressentir. À se nourrir. Avec nous, le vent, le soleil, les éléments, les nuages. Le désert, un milieu riche, peuplé et varié et diversifié. Sortons des stéréotypes et des croyances. Allons à la rencontre de l'autre, mais aussi à la rencontre de soi, et à la rencontre de cet univers et de ce biotope si particulier. Au loin, là-bas, je vois le feu autour duquel les musiciens se sont rassemblés. Comme tous les soirs, Zaïla s'arrête, et c'est parti. C'est parti pour les échanges, pour les discussions, pour les rires, pour la rencontre interculturelle. Avec l'autre, avec soi. Zaïla, la caravane, je vous emmène avec moi. Les chameaux sont là, avec nous. Ils sont 6. Eux aussi se réunissent autour du feu pour apprécier la musique. Zaïla, dans l'hôtel des 1000 étoiles. Ici, dans le désert. Enjoy. Là, quand on les voit, ça fait combien de temps que Zaïla existe? Quelle est leur histoire? Alors voilà, eux c'est les jeunes qui ont rejoint l'équipe Zaïla il y a 2 ans. Surtout le chanteur, là, le guitariste, qui est un peu maintenant leur porte-voix parce que il a un répertoire musical très riche. Ouais. qui va de le chant traditionnel nomade Hassani au rythme subsaharien et saharien comme Tinariwin, et puis aussi beaucoup d'improvisation par rapport à la situation du moment. Beaucoup de rythme, beaucoup de poésie. Et c'est tous des jeunes qui viennent de Hammamin ? Absolument, Hammamin, absolument. Ouais. Donc c'est des jeunes nomades, fils de nomades, et qui s'expriment maintenant à travers la musique. Le berger chante, le berger nomade chante. Dans les camps nomades, on chante, on danse. Il y a aussi une variante du chant qui est très poétique et puis très méditative par rapport au désert. Et les jeunes là, de l'équipe Zaïla apportent aussi une note moderne. Voilà. Et dans les textes, ils racontent, ce sont eux qui les composent, ils racontent quoi, l'histoire des nomades, donc ce qu'on... Alors pour les textes, je dirais que c'est leur point faible, parce qu'ils reprennent maintenant soit des chants anciens, ouais, soit des chants de récents de Tinariwin et d'autres, mais ils n'ont pas encore composé. Et le lien entre Zaïla, la musique, et Zaïla, l'association ? Comme l'association Zaïla essaie de promouvoir la culture nomade et le respect de l'environnement, à la fois naturel et culturel, on a trouvé que la place de la musique doit être importante. Et puis aussi des jeunes comme ça qui jouent bien la musique sont les meilleurs ambassadeurs pour ce milieu, pour sa culture, pour sa, je dirais, sa richesse musicale. Et c'est aussi un peu le concept qui est différent, la caravane Zaïla, c'est d'emmener des gens dans le désert, mais en musique. Voilà. Alors ça, c'est un petit plus qu'ont les caravanes Zaïla, avec ce groupe qui est très maintenant très populaire dans la région, et même au-delà, même à l'étranger. Et eux, ils accompagnent la caravane, qui reste comme tu le vois, très simple. C'est des chants autour du feu. Avec le thé, avec le pain cuit dans le sable, avec voilà, une ambiance autour du feu. Et bientôt, Zaïla, bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc. Grâce à Bienvenue au Maroc, vous allez pouvoir faire le lien. Grâce à Maroc, bienvenue chez nous. Maroc, bienvenue chez nous. Ouais. Et oui, ça va être une belle aventure. Donc c'est peut-être pas la dernière fois que tu les vois dans le désert. Ah ben j'espère bien que non, qu'on les reverra pas la dernière fois et qu'on pourra faire venir d'autres personnes découvrir effectivement ces séjours dans le désert. Voilà, et puis en même temps découvrir tout ce qu'on peut découvrir ici, là tous ensemble. Et voilà, dans cette simplicité. Et cette fraternité aussi, se retrouver oui, tous ensemble autour du feu, c'est bon. Exactement, tout à fait. Passer tous ces moments-là ensemble, de manière tout à fait simple, sans aucune fioriture, sans aucun gadget dont on sait si bien s'entourer dans nos vies de tous les jours. Voilà, des choses simples. Et de manière à se pouvoir se retrouver ensemble, comme ça, dans cette simplicité. Yalla, Zaïla. Tu peux nous décrire, Ali, là, ce qu'on est en train de voir, parce que c'est quand même assez incroyable la façon dont on fait le pain. Le pain cuit dans le sable, c'est très simple. Comme on a vu, Hussein l'a d'abord il a préparé la farine et tout ça, il a malaxé. Il l'a laissé lever. Des fois on met un peu de levure, des fois non. Et après il l'a pétri. Et donc il a pétri une superbe galette. Entre-temps, le feu s'est donc a été préparé, le feu dans le sable, enfin sur le sable. Et quand le sable est très très chaud, on met le pain pétri dans ce sable chaud, on couvre avec le sable chaud, on met un peu de braise. Ce qui est intéressant, c'est un pain qui sera cuit dans 15 minutes, mais sans le sable. Le sable ne colle pas en fait. Et pourquoi ? Parce que c'est les caractéristiques du pain et du sable. C'est-à-dire à haute température, le sable n'adhère plus sur le pain. Et donc, il suffit qu'on retire le pain cuit et on le frotte un peu et le sable part, il n'y a plus rien. Et on a un excellent pain, je crois le meilleur pain sur Terre qu'on puisse manger. Et en un quart d'heure, quoi. C'est ça qui est incroyable, voilà. C'est hyper rapide comme cuisson. Un quart d'heure, 20 minutes. Selon aussi la nature du sable, enfin la cuisson, le préchauffement du sable. Ouais. Donc, la température, tu la connais, là ? Non, mais je pense quand même que c'est une température de la braise. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est la braise. Ouais. On voit la braise rouge. On peut cuire d'autres choses dans la même technique, dans le désert. Oui, on peut tout cuire avec la même technique. On peut cuire des légumes, on enfuit tout ce qu'on veut. On peut aussi des fois le mettre dans une poche. Par exemple, on peut cuire même des légumes ou d'autres choses dans la peau d'un estomac d'animal, et qui reste aussi, donc qui garde cette chaleur. Sinon, on peut aussi cuire ou bien griller sur la braise la viande et d'autres choses. Et ce qui est intéressant, le sable dans le désert remplace l'eau, sauf pour boire. Donc le sable est très propre. Et puis il permet la cuisson, il permet aussi à nettoyer. Donc des ustensiles, on les nettoie avec le sable. Voilà. C'est magique le sable dans le désert. بس تجرد الحريات Pour résumer, là, pour ce projet, ici à Mohamed, on a pensé qu'il faut qu'il y ait un projet d'abord pour lutter contre la désertification et la sécheresse dans la palmeraie, qui est utile aux paysans, aux animaux, et en plus belle. Donc s'il y a des palmiers, c'est beau. Et l'idée du projet du 1000 palmiers, c'était ça. C'est-à-dire que comme il y a une dégradation des palmiers de Mohamed, naturel mais aussi humain, c'est-à-dire qu'on a arraché des palmiers parce qu'on veut construire et tout. Nous, on voulait inverser les choses, c'est-à-dire on replante des palmiers. Et ce paysan, Abdelali, a été chargé de ça avec une équipe. On lui a dit, voilà, il y a un projet de 1000 palmiers, tu creuses ton puits, tu cherches tes pousses et on le finance. Donc lui, il travaille, chaque fois, il donne un peu les besoins. Il dit, là, il a besoin de temps. On a dit, on assure l'entretien de ces 1000 palmiers au moins 2 ans jusqu'à qu'elles soient autonomes. Et ça, c'est un peu le premier jet qu'on a vu. Hein. Et si vous revenez maintenant dans 2 ans, vous verrez ces petites pousses, ils auront un peu la taille des autres, là, qui sont déjà grands. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on attend les dates, selon Abdelali, après 4 ans. Donc une petite pousse, là, dans 4 ans, elle va donner les premières dates. Je continue et je m'éloigne. Je m'éloigne du campement. Et là, je trouve une silhouette. Une silhouette qui s'est éloignée pour danser sur le son de Zaïla, sous ce ciel étoilé. Bonjour. Good morning. Ah, un étranger. Êtes-vous de ce pays? Yes, I am the country. Country, very good. What do you want? Je veux savoir, ici, à côté de cette caravane, yes, ces musiciens qui nous font vivre, qui nous chantent le désert en rythme. Vous semblez-vous incarner ce rythme? Ici, à 40 km de la frontière algérienne, au Maroc, nous sommes sous un ciel étoilé, un grand ciel étoilé, où des millions d'étoiles nous regardent. Là, au-dessus de ma tête, clignote l'étoile du Nord qui nous indique la direction, toujours la même direction. Jamais nous nous perdrons, car la direction nous est donnée. Écoute la musique, regarde mes pieds s'enfoncer dans le sable, sable orange, doux, qui caresse mes orteils et qui me demande qu'à me dire des choses agréables. Je danse à l'intérieur de mon corps et je regarde tous les corps se mouvoir. Que c'est beau ce feu qui clignote, ce feu qui danse. Oh, oh, ce feu m'envahit et me chauffe mon cœur. Danse toi aussi, danse. Very ancient. Stay long. Ici, dans l'hôtel à 2000 étoiles, tout est possible. Chacun laisse ressortir sa folie intérieure des spécimens, des espèces, cette espèce animale, cette espèce humaine. Elle a autour du feu à s'agiter, à vibrer au son de la musique, des voix, des étoiles entre le ciel et la terre. Merci à vous tous, vous les humains. En fait, amusez-vous bien et que la force du regard d'ailleurs soit avec vous et avec votre esprit. Inch'Allah. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.